Non, moi je rentrerai pas dedans, je rentrerai pas dedans. Bonsoir, c'est Cœur Noir Crépalium, l'émission d'octobre. On est toujours là avec la CNT, la Confédération Nationale du Travail de Saint-Étienne, qui regroupe tous les syndicats anarcho-syndicalistes et syndicalistes révolutionnaires de la Loire. Et c'est l'émission des luttes, comme tous les premiers dimanches du mois. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir des invités. Donc Adrien, pour nous parler d'une association en lien avec le Chiapas. Bonsoir. Soir. Et puis Yuri et Sophia. Sophia pour parler d'une nouvelle permanence qui démarre avec le CTPEP, donc le groupe des précaires de la Loire, c'est ça ? Le comité des travailleurs privés d'emploi et précaires, c'est ça. De Saint-Étienne. Ouais. Et du coup, il y a une permanence qui va démarrer pour les travailleurs sans papier. Vous allez pouvoir nous en parler, c'est super, merci d'être là à vous. Et comme chaque mois, on va démarrer par un petit retour du mois dernier. Alors, c'est pas très joyeux, hein, tout ce qui s'est passé en septembre. On peut dire déjà que au niveau du climat international, avec la guerre qui s'étend au Proche-Orient, c'est assez triste et c'est désespérant, et on ne sait pas trop comment ça va pouvoir se diriger vers une sortie, une fin de cette crise. Et on approche justement du 7 octobre, le début du départ des conflits l'an dernier, enfin du conflit ouvert, de la guerre, quoi. Même si pour les Palestiniens et les Palestiniennes, la guerre, elle est présente depuis tout le temps, en basse intensité. Mais là, c'est le niveau de violence a explosé. Il se trouve que le 7 octobre, c'est aussi le procès de Georges Ibrahim Abdallah, donc le plus vieux prisonnier politique en Europe, qui est dans les prisons en France alors qu'il devrait être libéré. Il a déjà eu un procès qui actait sa libération. Mais bon, pression internationale oblige, comme il dérange Israël parce qu'il défend la cause palestinienne. Et du coup, il est toujours en prison. Et il va à nouveau passer en procès demain. Donc suivez ça de près. On espère que ça va pouvoir permettre enfin sa libération définitive. Et par contre, le mois dernier, on peut souligner que nos camarades espagnols ont fait une action d'ampleur pour soutenir les Palestiniens et les Palestiniennes, qui est une action syndicale, une action de grève. Il y a eu une grosse, grosse journée de grève le 27 septembre pour soutenir le peuple palestinien, et qui a vraiment eu beaucoup de succès, avec notamment à Madrid, il y a eu énormément d'une manifestation avec beaucoup, beaucoup de monde, et du coup, la CGT a appelé à une grève qui a été très suivie. Donc bravo à elle et eux. Hier à Saint-Étienne, il y a eu deux manifestations décoloniales en soutien à la Kanaki et puis en soutien au peuple palestinien, je crois. Je sais pas si ont pu y passer. Non, personne ici n'a pu s'y rendre pour faire des retours, mais en tout cas, c'est des échos aussi en local, et il faut pouvoir essayer de maintenir le soutien et la présence pour essayer d'œuvrer pour plus de solidarité et de pression internationale pour cesser tous les conflits. Et un autre sujet que je voulais aborder ce soir, c'est... Alors, on ne sait jamais s'il faut beaucoup se faire écho de ce genre sujet que l'extrême droite met sur le devant de la scène, mais en fait, ça fait très longtemps que les féministes dénoncent les féminicides qui ont lieu à peu près entre 100 et 150 chaque année par conjoint ou ex. C'est voilà, toutes ces femmes qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes, parce que elles ont pas pu être autonomes et se démarquer de leur conjoint à certains moments. Mais bah du coup dernièrement, l'un de ces féminicides a été mis sous les projecteurs parce que il a été commis par une personne qui était sous le coup d'un OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français. Donc c'était un migrant, et donc forcément tout de suite récupération raciste, et ça a été très médiatisé. Mais voilà, je voulais quand même en parler pour dire que bah voilà, il y a, je sais plus, on était à 103 féminicides je pense au moment du meurtre de Philippine, et voilà, il y a 103 féminicides, et il y en a qu'un seul qui intéresse les racistes. C'est un tag qui avait pris de la fac, et que je trouvais chouette. Et voilà, si vous pouvez faire gaffe aux affiches qui sont collées, les recouvrir, ou alors faire de l'affichage, c'est le moment de faire des collages féministes pour parler de tous les autres féminicides et dénoncer la récupération raciste des causes et des luttes et des combats féministes sous toutes ces formes. Bon bah voilà, on espère que on va pouvoir continuer des luttes dans les mois qui viennent, avec retrouver de la force et de la dynamique malgré un contexte qui est assez plombant. Mais bon, avec les invités qu'on a ce soir, il y a des perspectives et des projets enthousiasmants. Donc on va peut-être pouvoir commencer par parler. Alors si Adrien, t'es là ce soir, c'est parce qu'il y a une soirée samedi, notamment à la Gueule Noire, qui est un concert de Honte de Choc, qui sera en soutien du coup à une association que t'as montée, dont tu fais partie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'on a monté à plusieurs, oui, mais une association du coup qui s'appelle Des Écoles pour le Chiapas. Du coup, je ne sais pas vraiment par où commencer, mais en gros, nous, on est une organisation d'éducation populaire et de défense des droits humains. Et évidemment, on soutient les communautés indigènes au Chiapas, à savoir les communautés zapatistes, mais pas forcément d'ailleurs les communautés indigènes de manière générale. Après, il faudrait peut-être revenir sur le contexte pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas le Chiapas. Est-ce que juste avant, tu peux nous dire, cette association, elle vient de se monter à Saint-Étienne ? Oui, en août, ouais, c'est assez récent. Et c'est un réseau qui comprend d'autres associations, si j'ai bien compris, ailleurs, hein, en France ou à l'international, ou pas forcément ? En fait, pas exactement. Nous, ça va faire 2 ans qu'on tient des stands sur, en gros, dans des événements. On l'a beaucoup fait à Paris, un petit peu à Saint-Étienne, beaucoup autour du Chiapas, mais aussi d'autres luttes internationalistes ou des luttes qu'il y a ici. Et c'est vrai qu'on était quelques-uns et quelques-unes à déjà, comment dire, acheter de l'artisanat zapatiste avec une organisation américaine qui s'appelle School of Chiapas, qui s'est montée en 1996 suite à la première rencontre intergalactique qu'ont fait les zapatistes, parce que les zapatistes font beaucoup d'événements internationaux, ils sont beaucoup en recherche, ils sont beaucoup en recherche de créer des ponts, des solidarités, des réseaux de résistance internationale. Et on soutient aussi un peu financièrement la FRAIBA, qui est une organisation mexicaine, pour le coup, au Chiapas, de défense des droits humains, et qui propose aux gens de devenir en fait observatrices des violations des droits humains dans les communautés zapatistes. Donc l'idée, c'est d'aller se rendre, qui sont souvent harcelés par des paramilitaires d'extrême droite, par l'État, ils ont tout un tas de problèmes. Et donc nous, en tant qu'Européens ou du monde entier, si on veut, c'est vrai que c'est possible d'aller se rendre là-bas, déjà pour aller voir et apprendre de leur expérience, de comment ils ont fait pour s'organiser, parce que c'est quand même une organisation d'autogouvernement à une grande échelle, c'est 250 000 personnes, des communautés indigènes très organisées. Et finalement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'elles. Ils sont venus en 2021 en France et en Europe dans le cadre du voyage pour la vie. On avait parlé à cette époque, on avait accueilli un groupe à Saint-Étienne, et du coup c'était l'occasion de refaire un petit point. Mais bon, c'est toujours très enrichissant de refaire eu un zoom et un focus dessus. Et du coup, tu voulais nous resituer donc un peu un historique pour... et puis depuis, il y a eu des nouveautés. Donc, c'est, si tu veux nous redire le contexte et puis bah, l'actualité. Oui, alors pour celles qui ne connaîtraient pas du tout, le Chiapas, c'est un État qui est au sud du Mexique. Et c'est un des États les plus pauvres du Mexique. Et en fait, il y a un avant et un après. Donc avant et après le soulèvement qui a eu lieu le 1er janvier 1994. Déjà, juste pour expliquer un petit peu le contexte, il y a 62 groupes ethniques, 364 dialectes. Donc en fait, c'est beaucoup. Quand on parle de communauté indigène, ça rassemble beaucoup de personnes. Il y a des Tzotzil, des Tzetzal, des Tchol, des Tojolobale, des Oké, des Mam. Bon, je ne vais pas faire les 62 groupes ethniques. Mais en gros, avant ce soulèvement qui a eu lieu, le Chiapas, c'était l'État où il y avait les plus mauvais indicateurs socio-économiques du pays. C'est-à-dire que ils n'avaient pas d'accès à l'éducation, ils n'avaient pas d'accès à la santé, et ils n'avaient pas d'accès à une eau potable tout le temps. Et donc, d'ailleurs, la plupart ne parlaient pas espagnol à cause de ce manque d'accès à l'éducation. Et donc, ça donnait des situations vraiment dramatiques. Hein. C'était 15 000 personnes qui mouraient de maladies curables chaque année, donc, notamment de diarrhée, parce que quand on n'a pas accès à une eau propre, potable et de qualité, c'est ce qui arrive. Et en fait, c'est eux qui aujourd'hui sont dans les communautés zapatistes. Pour la plupart, ils travaillaient en fait pour des caciques, des chefs dans des fincas, des espèces de grandes propriétés terriennes dans lesquelles il y a un système d'exploitation qu'on appelle le péonnage, qu'il y avait beaucoup en Amérique latine, qui est encore dans certains pays, où en fait, il y avait la propriété terrienne, la maison du grand propriétaire et des petites cabanes, mais les cabanes, elles étaient louées par le propriétaire et il y avait une boutique aussi sur place, parce que c'est la campagne un peu loin des villes et tout. Donc en fait, ils travaillaient, mais directement, leur argent, ils retournaient vers le propriétaire. Et en fait, le propriétaire avait juste à monter le prix des loyers ou à monter le prix des denrées. Et en fait, il y avait des dettes qui s'accumulaient de génération en génération. C'était une situation qui était vraiment terrible. Et du coup, les communautés zapatistes, elles se sont organisées. Alors en fait, ça a commencé en 1983. C'est la date de fondation de l'EZLN. Ils étaient 6 au début, 3 métis et 3 indigènes. Donc ils ont commencé à très, très peu nombreux. Ils se sont organisés avec les communautés indigènes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que... finalement, ils venaient un petit peu un logiciel révolutionnaire, marxiste-libertaire, on va dire. Et ils ont beaucoup changé auprès des communautés zapatistes qui avaient déjà des manières de s'organiser. Donc, notamment avec la théologie de la libération, c'est à ce moment-là non, que ça s'est croisé avec une forme de spiritualité locale et de christianisme social. Je dirais que c'est plus tard quand même que la théologie de la libération va jouer un vrai rôle. Mais oui, il y a un évêque, j'ai plus le nom, mais qui a joué un rôle très important en fait dans le soulèvement. C'est-à-dire qu'en fait, les zapatistes, ils s'organisent. En 89, ils sont 1300. Et en 93, en fait, les communautés indigènes, ça c'est un point très important aussi, elles approuvent une sorte d'offensive militaire de l'EZLN. Et donc, il y a un comité, c'est le comité clandestin révolutionnaire indigène. Donc, c'est une armée révolutionnaire, mais qui est sous contrôle quand même directement des communautés indigènes et qui a pas vraiment pour objectif la guerre. De toute façon, ils sont dans un rapport asymétrique. C'était vraiment pour dire il y a basta. Et ils l'ont pas dit à n'importe quel moment. Ils l'ont dit le 1er janvier 1994. Et en fait, le 1er janvier 1994, ce qui se passait, c'est que c'était le jour de la ratification de l'ALENA, donc d'un traité de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Donc on sait encore plus de néolibéralisme et de pression sur les, enfin de dérégulation avec les propriétaires terriens qui allaient encore plus exactement, pouvoir exploiter. Exactement. Et en fait, comment dire, avec cette insurrection qui a que duré 12 jours. Hein. C'est pas une guerre comme ce qui se passe à Gaza ou au Liban. Ça n'a rien à voir, vraiment. C'est 12 jours. Il y a eu assez peu de morts, mais ils ont quand même mis leur vie en jeu pour dire que assez, quoi, on ne veut plus être comme ça. Les propriétaires terriens ont fui. Ils ont fui et du coup, ils ont laissé environ 150 000 hectares de terres qui ont été du coup investis par les communautés indigènes. Là, actuellement, il en reste 40 000. Donc, ils en ont perdu quand même beaucoup. On va pas détailler, mais il y a eu tout un tas de mesures étatiques pour leur reprendre tout un tas de terres qui est vraiment la base matérielle de leur autonomie. Hein. La terre, notamment à travers un système d'agroécologie qui s'appelle la MILPA, dont j'aimerais bien parler un petit peu tout à l'heure. Mais par rapport à la théologie de la libération, ce qui est intéressant, c'est que eux, ils n'ont pas cherché forcément à faire Déjà, ils n'ont pas cherché à prendre le pouvoir. C'est vraiment l'idée cambiar el mundo sin tomar el poder, donc changer le monde sans prendre le pouvoir. Et donc, en fait, ils ont réussi à se mettre un petit peu l'opinion mexicaine dans la poche, qui ne s'est pas vraiment alliée à eux, mais qui a surtout demandé au gouvernement d'arrêter de les attaquer et de les laisser tranquilles. Et là où l'évêque de la théologie de la libération était très important, c'est l'évêque de la Freiba, hein, d'ailleurs, de cette association de défense des droits humains, c'est qu'en fait, il a été l'intermédiaire entre le gouvernement et le comité clandestin révolutionnaire indigène pour les accords de San Andrés. Et en fait, les accords de San Andrés, ils donnent tout un tas de droits aux communautés. C'est pas San Andrés, j'imagine, c'est San Andrés, oui. Un truc comme oui, ça. Oui, non, peut-être que je prononce mal. C'est... Oui. Non, c'est juste qu'à l'oreille, en français, on pourrait croire que... Mais non, c'est pas... Je me suis dit après coup que ça devait être plutôt un nom de localité. Oui, oui. De Saint quelque chose et pas... Un truc de « on arrête la tendresse ». Ah oui, non, c'est pas « sans ». Oui, c'est « san », S-A-N, et « andres » plus loin, effectivement. Et en fait, ces accords, ils sont déterminants, parce que c'est les accords, en fait, qui... Il y a une base écrite sur laquelle le gouvernement a quand même signé sur le fait que on donnait des droits, notamment le droit à l'autodétermination et à l'auto-organisation. C'est des accords qui n'ont pas été respectés hein, plus tard hein, par le gouvernement mexicain, mais c'est ce qui leur donne une vraie légitimité, alors notamment au niveau de l'Organisation internationale du travail, qui leur donne une espèce de reconnaissance un petit peu internationale dont elles ont besoin. Hein. Ils ont besoin qu'il y ait des gens qui les connaissent en Europe et partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique latine, mais même en Afrique et en Asie. Parce que justement, la pire chose qui pourrait leur arriver, c'est vraiment qu'ils soient dans une situation complètement isolée et finalement... que les paramilitaires d'extrême droite, souvent financés par le gouverneur du Chiapas, bon, il y a pas revenir dessus, mais il y a des preuves, il faut aller sur le site de la Freiba, ils se font harceler. Et en fait, plus il y a de solidarité internationale, plus ces communautés, elles vont pouvoir construire et continuer à construire cette autonomie qui est quand même assez intéressante, parce qu'on part d'une situation où il y avait peu d'éducation, des gens qui meurent de maladies curables, une justice mexicaine qui laissait vraiment à désirer. Et aujourd'hui, il y a une éducation autonome, il y a des cliniques autonomes, il y a une justice autonome aussi, organisée par elle-même, et il y a une forme de démocratie qui est quand même très avancée, avec trois échelons, en gros, un autogouvernement local, municipal, donc de plusieurs communautés, et pendant très longtemps, enfin jusqu'au début de l'année, des conseils de bon gouvernement qui géraient la chose un petit peu au niveau régional. Et du coup, il y a du nouveau, justement, ça a changé dernièrement, tu disais ? Ouais, c'est l'anniversaire. Ouais, mais je pourrais pas donner beaucoup de détails dessus parce que justement ils sont en pleine réorganisation. Ouais. Mais effectivement, ils ont dissous ces conseils de bon gouvernement là au début de l'année pour leurs 30 ans, parce que le 1er janvier 2024, du coup c'était les 30 ans du soulèvement zapatiste. Et effectivement, ils ont annoncé une dissolution, si bien que d'ailleurs l'argent qu'on envoie d'ailleurs aux communautés actuellement, les zapatistes, c'est drôle, mais en fait ils refuse l'argent, le temps, enfin les dons, le temps de la réorganisation. Et oui, et du coup, c'est donné à des communautés indigènes qui s'organisent actuellement. Après, ça devrait reprendre comme normal, mais qui s'organisent selon des principes zapatistes. Voilà, juste pour les auditeuristes qui pourraient être intéressés. Ça, c'est inspirant, par exemple, de se dire on a un modèle, on essaye, on tente une gouvernance, une structuration, et puis au bout de quelques temps, on fait le point, on prend du recul, on se dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, on refonde tout ça. Enfin, c'est hyper intéressant aussi. C'est vraiment ça, c'est l'idée du Caminal Preguntando. Avant cheminer en posant des questions, et ça c'est un des principes très importants dans l'organisation zapatiste, à côté du mandal obeciendo, c'est-à-dire gouverner en obéissant. Et c'est vrai qu'il y a une forme de démocratie qui est rendue possible déjà par le fait qu'il n'y ait pas de politique professionnelle, c'est-à-dire que les personnes au conseil de bon gouvernement, alors déjà c'est des mandats qui tournent, je parle des conseils de bon gouvernement parce que c'était le modèle jusque-là, donc on peut en parler au passé. Mais sans doute qu'il y aura des inspirations de comment ça exactement, se passe. Exactement, oui. C'était des mandats assez courts, de 2 ans, ils n'étaient pas rémunérés, ils étaient pris en charge par la communauté, évidemment. Et il y avait des personnes de tous les âges, c'est-à-dire que il y avait des adolescents par exemple qui participaient au conseil de bon gouvernement, donc y compris des jeunes. Et le fait que on puisse pas se représenter plusieurs fois, ça aussi c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça permet à un maximum de personnes d'avoir d'avoir accès à la prise de décision et avoir ce que ça implique et ce que ça demande de répondre, parce qu'en fait le conseil de bon gouvernement il répond aux demandes des communautés zapatistes. Ça vient d'en bas, ça remonte, ça redescend, ça remonte, enfin, évidemment après la démocratie ça implique de prendre du temps en fait, tout simplement. Et il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe zapatiste, mais « lento pelo avanzo », c'est-à-dire lentement, mais on avance. Et ce qui est aussi très intéressant au niveau des zapatistes, c'est la manière dont ils organisaient le travail, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que la plupart des familles zapatistes ont un lopin de terre individuel qui leur permet d'avoir une certaine autosuffisance alimentaire, et ils font aussi du travail collectif, notamment dans des champs de caféiers, mais aussi il y a beaucoup de coopératives d'artisanat, en textile, ferronnerie, enfin tous les besoins de la vie courante, puisqu'ils aimeraient s'émanciper de l'argent, mais ils ne peuvent pas, hein, ils ont besoin encore de pouvoir acheter des produits qu'ils ne produisent pas eux-mêmes, style de l'huile, du savon, ce genre de choses-là. Et du coup, cette dimension économique, elle est quand même assez importante, parce que si on veut, dans le travail collectif, il est mis du coup au profit de la communauté. Et donc entre guillemets, on peut dire qu'il y a encore de la plus-value dans ces travaux collectifs, mais en fait, ça va servir à la société tout entière. Et ça, c'est quand même super intéressant. Et en fait, comment dire, nous, quand on regarde les zapatistes de loin, on pourrait se dire que, même aujourd'hui, hein, que c'est une vie qui est un petit peu rude, parce que quand même, c'est une vie un peu rurale, un peu campagnarde et tout. Mais c'est vrai que quand on parle avec des zapatistes, en fait, il y a vraiment ce truc où ils ont un rapport au travail qui est libéré, quoi. Ils ne sont pas dans un travail aliéné, entre guillemets, c'est-à-dire dans un travail qui est étranger à eux-mêmes. Ils savent pourquoi ils le font, ils n'ont pas de manager et de chef, c'est elles-mêmes qui organisent en fait la manière de faire le travail. Et c'est assez drôle parce que nous, on est dans un pays riche, eux, ce n'est pas le cas, ils sont dans la région la plus pauvre du Mexique, je vous laisse imaginer. Mais finalement, dans ce rapport au travail, ils ont un rapport beaucoup plus libéré que beaucoup d'entre nous. C'est ce qu'il faut se dire, parce que beaucoup d'entre nous, on n'a pas de prise sur notre travail en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une espèce de passivité, on a besoin de travailler pour manger, c'est normal, hein, je travaille, hein, moi-même, il y a pas de... Et on cherche tous du travail ou quoi, mais... Pas tous et toutes, mais... Oui, pas tous et toutes, oui, d'ailleurs, on peut... Oui, des stratégies de camarades pour sortir du travail et vivre salarié, collectivement. Salarié, exploité. Ouais, exactement, oui, c'est... Et voilà, c'est des pistes. Et aussi, quand on cherche des futurs désirables, c'est c'est remettre cette question du travail au centre, comment et réorganiser comment le... comment s'inspirer de certains modèles. Exactement, oui. Et du coup, tu voulais nous parler des possibilités de soutien, notamment à travers les possibilités de se former pour aller sur place et pouvoir être observateur, observatrice internationale, c'est ça? Et après, peut-être, tu avais peut-être un petit poème à lire et après, on va faire peut-être une coupure musicale pour enchaîner. Yes, oui, bien sûr. Alors après, sur les possibilités de soutien, il faut surtout venir dans les événements où on tient des stands, entre guillemets. Voilà, on vend pas mal de brochures. Nous, après, on propose des dons mensuels pour les gens que ça pourrait intéresser. Qui vont du coup à la Freiba et à School of Chiapas. Après, on garde une partie aussi pour éventuellement des luttes locales, donc je le dis aux auditeuristes, un peu dans l'esprit de la Sexta que je pousse les gens à lire, mais justement, il y a vraiment cette idée que Yael nous envoie de l'artisanat zapatiste, du café, etc., qui est vendu par la CNT d'ailleurs, et c'est un très bon café, je vous invite à aller en prendre. Mais c'est que les réseaux de lutte s'entraident, et oui, voilà, nous on est un peu là-dedans. Et après, effectivement, nous on est dans un truc, alors la plupart parlent, notre asso, ils parlent très bien espagnol, alors c'est pas mon cas pour le coup, j'ai fait espagnol LV2, donc j'ai des bases, mais là on est sur un truc où effectivement on souhaite un peu tous se remettre à l'espagnol. On invite des gens à s'y remettre avec nous et faire cette formation Brico. C'est aussi une formation. Alors, je ne sais pas si c'est avec la CNT ou c'est que le. Mais je crois que c'est avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, mais que c'est hébergé par la CNT à Paris, 33 rue des Vignoles. Et voilà, tout simplement. C'est une formation pour aller sur place après, pour pouvoir se rendre sur place, c'est ça? Exactement, sachant qu'il y a la formation qui est proposée du coup par la CNT, le comité, et ensuite il y a une deuxième formation, une fois sur place à San Cristobal, qui est donnée par la Freiba, donc, qui est cette organisation de défense des droits humains, qui organise en fait tout simplement ces missions de brico, c'est-à-dire de brigadiers d'observateurs internationaux. Et tu as un dernier mot à ajouter, et peut-être si tu voulais partager un poème, c'est ça? Oui, un joli poème guatémaltèque d'une poétesse qui s'appelle Regina José Galindo, qui s'appelle... qui est issu d'un recueil qui s'appelle Rage, Rabia, qui vient du Guatemala. À la limite, est-ce que une d'entre vous veut pas le lire comme ça? Ouais, super. Pour chaque champ de maïs que tu brûleras, nous sèmerons 100 graines. Pour chaque fœtus que tu tueras, nous éleverons 100 enfants. Pour chaque femme que tu violeras, nous aurons 100 orgasmes. Pour chaque homme que tu tortureras, nous embrasserons 100 joies. Pour chaque crime que tu nieras, nous tisserons 100 vérités. Pour chaque arme que tu brandiras, nous ferons 100 dessins. Pour chaque balle perdue, 100 poèmes. Pour chaque balle trouvée, 1000 chansons. Merci. Et du coup, tu disais, c'est un poème que tu as choisi parce que c'est aussi une réalité proche de celle du Mexique, en fait, toute cette zone-là, le Guatemala, tout ça. Exactement. Alors, le Guatemala, en fait, c'est à la frontière, en fait, du Mexique. Et justement, le Chiapas, ils sont vraiment très, très proches, pour le coup, du Guatemala. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu touchés par les mêmes problèmes. Après, je connais un petit peu moins le Guatemala, donc je vais pas trop m'aventurer dessus. Mais par exemple, ça peut arriver, ça arrive encore que des indigènes guatémaltèques, pour le coup, passent la frontière pour aller vivre dans les communautés indigènes zapatistes qui accueillent et qui, du coup, je le dis comme ça, mais à l'occasion de la réorganisation qu'ils ont fait là en début d'année, ils ont aussi créé ce qu'ils appellent des terres sans propriété, donc qui appartiennent vraiment à personne. Et alors pour le coup, ils invitent des gens du monde entier à venir cultiver ces terres, soit pour leur apprendre de nouvelles compétences agricoles, soit pour dans un échange un petit peu de connaissances à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans les programmes qui sont propulsés par l'asso qu'on soutient, School of Chiapas, l'asso états-unienne, il y a un programme de partage de semences paysannes au niveau mondial qui s'appelle Mother Seeds in Resistance, qui est un super programme et qui diffuse en fait des semences paysannes. Après, c'est plutôt à destination de paysans du sud et dans des contextes de pénurie ou de problèmes alimentaires, quoi, d'échanger des pratiques agroécologiques. Et alors, c'est intéressant parce que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'ALENA. Et alors, si je peux un peu... Vas-y. Les apatistes, du coup, depuis qu'ils ont l'autonomie, ils cultivent leur maïs avec la milpa. C'est une espèce d'agroécologie qui mélange trois cultures sur une même parcelle. Donc le maïs qui va servir de tuteur au haricot, le haricot qui va fixer l'azote dans le sol, et les feuilles de courge qui vont servir, parce qu'il y a la courge aussi, qui vont servir à laisser le sol humide. Et toutes les mauvaises herbes, elles sont retirées à la main et elles servent à nourrir le bétail qui ensuite va produire de la matière organique, enfin du fumier, quoi, qui va servir à maintenir la fertilité des sols. Si bien que les apatistes... Ils n'ont pas besoin de mégabassines. Non, exactement. Oui, après l'ALENA et tout, ils ont quand même réussi à avoir... Ils n'ont pas eu de problème, si on veut. Alors que beaucoup de paysans mexicains, et même des caciques, même les grands propriétaires terriens, ont eu beaucoup de problèmes parce qu'en fait, dès que l'ALENA a été ratifiée, y a tout le maïs américain qui est venu sur le Mexique et du coup c'était vendu à un très très bas coût. Donc il y a beaucoup de paysans qui se sont retrouvés en réalité au chômage à cause de ce traité de libre-échange. Et c'est montré aussi je ne suis pas contre les échanges entre les peuples, hein, bien au contraire, mais certains traités de libre-échange et leur logique, elle peut être vraiment mortifère pour des personnes, puisqu'après, c'est des gros agro-industriels américains qui décident un petit peu des prix, puisque les prix ont baissé sur le moment, mettant sur la paille beaucoup de gens, parce qu'ils ne pouvaient plus vendre leur maïs et leur production, y compris des grands propriétaires. Bon, après, on ne va pas les plaindre, c'est des bourgeois, ils ont dû bien continuer à s'en sortir. Et après, par exemple, pendant la crise de 2007, il y a eu l'effet inverse, en fait, le prix du maïs a grimpé. Donc en fait, la plupart des paysans mexicains, ils se sont retrouvés dans des gros problèmes. Alors déjà des problèmes de pollution génétique, parce qu'il y avait beaucoup de maïs OGM qui arrivait sur le territoire. Mais ensuite, des problèmes pour écouler leur production, problèmes que les apatistes n'avaient pas. Donc finalement, ils ont choisi le bon moment pour faire leur soulèvement. Super, bah merci pour cette écho-là et j'espère que du coup votre organisation de soutien pourra continuer à œuvrer pour faire des liens avec Synthé. Et venez nombreux, nombreuses à la soirée de soutien, du coup c'est samedi 12 octobre à la Gueule Noire. Et nous on est toujours à la recherche de contacts et de copains. Donc vous pouvez nous contacter à desecolespourlechiapas@proton.me. Merci beaucoup. Et du coup, ce sera une émission avec pas trop de musique parce qu'on a plein d'invités et plein de choses intéressantes à se dire. Donc on peut tout de suite enchaîner, si ça va pour vous, avec nos invités du CTPEP pour parler de la permanence qui démarre là, bientôt. Vous avez déjà fait une première ou ça va avoir lieu ? En fait, on en a déjà fait avant, mais là, on va vraiment... Enfin, l'optique, là, est de plus les ouvrir de manière structurée et surtout de massifier. Au moins l'information pour que beaucoup savent que c'est ouvert et que ils peuvent venir si besoin. Et du coup alors dites-nous en plus, qu'est-ce que vous proposez, comment ça se passe? Alors Je crois que je vais. Oui, vas-y, explique, parce que c'est toi un peu qui est en charge du truc. Hein. Non, mais c'est vrai, on est plusieurs. On est plusieurs, mais tu fais partie de ceux qui s'organisent pour ça. Je vais d'abord parler un peu de la situation. Enfin, pourquoi on a fait ça? En fait, l'objectif, dans un sens, c'est de créer un syndicat de travailleurs-travailleuses sans papier. Et là, pour le coup, plus réellement parlant, d'offrir un endroit où ils peuvent se rassembler, venir se coordonner, débattre entre eux, parler, échanger, régler aussi leurs problèmes, tout en bénéficiant de notre expérience et de notre énergie au sein, et surtout d'avoir accès aussi au réseau large de la CGT. En gros. Alors nous, l'idée, elle est partie de faire ça parce que malheureusement, il n'y a pas assez d'organisation nationale, entre guillemets, et même de façon locale, qui s'occupe spécifiquement de la situation des travailleurs et des travailleuses sans papier. Bien que visiblement, les actualités, ils ont tendance à les mettre un peu au centre des médias, quoi. Là, je prends l'exemple de... C'est un peu brouillon, hein, je suis désolé, mais je prends un exemple de la situation des sans-papiers, je trouve qu'il est très parlante. Il y a quelques années, il y avait eu la glorification médiatique d'un sans-papier qui avait grimpé dans un immeuble en flammes pour sauver une famille. Alors, les médias étaient à fond derrière... etc. Bah là, cette même personne en fait est placée dans un centre de rétention administrative au vu d'une expulsion. Là, il y a une ça explique un peu le contexte actuel des sans-papiers. Qui plus est, avec la fascisation de la société, forcément avec le FN qui fait un focus, voire son argument principal sur les sans-papiers. Moi, j'observe aussi qu'il y a de plus en plus d'OQTF et mises de manière systémique. Et maintenant, donc obligation de quitter le territoire français, ce qui expose à être enfermé au centre de rétention et expulsé de force si jamais on est arrêté. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a même... l'OQTF, c'est une chose, mais aujourd'hui, vous voyez, on parlait tout à l'heure de cette fameuse campagne médiatique là, de l'extrême droite sur les OQTF par rapport à des personnes violeurs. Qu'on se le dise, aujourd'hui, l'OQTF, ça veut strictement rien dire, en fait. N'importe qui peut être en OQTF, même une personne qui a eu avant des autorisations de travailler sur le territoire ou qui a été régularisée, en tout cas proprement dit, peut recevoir un OQTF parce qu'il a 3 mois de retard, par exemple, sur le renouvellement de son autorisation. Alors aujourd'hui, c'est limite informatisé, en fait, j'ai envie de dire, où il n'y a même plus de concertation, enfin il n'y a plus d'humains qui sont derrière à se concerter sur un dossier, c'est vraiment OQTF obligatoire, envoyé. Alors après, moi je vais surtout parler au niveau de la Loire. Tu veux dire que dès que le titre de séjour, enfin de travail est terminé, ouais. L'OQTF est automatique. Ouais, quasiment automatique, ouais. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et la situation de la Loire, c'est assez particulier. C'est ce qui nous a motivé, surtout nous engager dans la création de cet orga. Il faut prendre en compte déjà le fait que pendant très très longtemps, c'était un peu le désert au niveau de l'inspection du travail. Même l'humanité notamment en avait parlé, c'est-à-dire que tu avais la moitié de la Loire, le nord ou le sud, je me souviens plus, mais qui n'avait pas du tout d'inspecteur du travail. Je crois qu'ils sont 4 sur le département, je crois. Ouais, là ils ont augmenté un peu, mais c'est et le problème c'est que ça a mis en place plein de dérives, notamment au niveau du patronat et surtout par exemple sur la question des sans-papiers, où là on tombe dans des conditions plus que précaires, c'est dans des situations de servitude, clairement, et qui subissent beaucoup d'injustices. Et qui plus est, il y a un genre de blocage au niveau de la préfecture qui fait que même si tu arrives avec un patron qui t'accompagne ou la fameuse feuille promesse d'embauche, etc., à un moment donné ou un autre, ça coince. Et ce qui fait que là, on arrive à une situation où ces derniers mois, il y a énormément de travailleurs et travailleuses sans papier qui viennent, qui ont été licenciés parce que justement, ils n'avaient pas reçu leur renouvellement. Donc après, on peut interpréter ça comme on veut, mais moi, je pense par expérience que c'est clairement, c'est le résultat de l'alliance Macronie-Front National. Voilà, ils veulent mettre des bâtons dans les roues. Je pense que dans un sens, il y a ça. Chose qu'il n'y avait pas forcément avant. Avant, tu pouvais te pointer avec une promesse d'embauche ou avec déjà dans un travail. Normalement, c'est censé être simplifié. Parce que bon, il y a plusieurs choses à prendre en compte avec les luttes concernant les sans-papiers. Alors, j'aime pas trop dire ça, mais déjà, on va diviser plus ou moins en catégories parce que c'est pas forcément les mêmes sujets qui les rassemblent. Par exemple, il y a les travailleurs étrangers qui sont sur le territoire amenés par leur entreprise, donc qui dépendent d'une entreprise étrangère. Là, c'est pas les mêmes problématiques, bien que forcément, enfin, pour simplifier la chose, c'est par exemple une boîte d'intérim polonaise qui va faire venir des travailleurs en France sur un chantier en France en les payant au SMIC polonais pour le coup. Là, ils vont pas avoir le même traitement que par exemple une personne qui est arrivée de manière illégale sur le territoire ou une personne africaine ou asiatique pour des raisons qui, je pense, sont très clairement racistes. En plus de ça, il y a une différence à marquer entre ceux qui sont là temporairement, donc juste pour travailler ou pour se former ou pour étudier, et ceux qui veulent s'installer sur place. Où là, c'est pareil, c'est pas exactement la même problématique, mais ça se rapproche. Enfin, le problème reste la régularisation, en tout cas actuellement. Alors voilà, bon, dans un premier temps, il y a aussi il y a aussi une forme de racisme de classe, dans le sens que une personne riche et diplômée étrangère n'a pas le même traitement qu'une personne précaire aussi en France. Voilà, il y en a qui intéressent parce qu'ils ont de l'argent, il y en a qui intéressent parce que ils sont malléables et ils peuvent aller dans des situations précaires. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est pas forcément la position de tout le monde, mais moi je suis à l'aise pour dire ça, mais c'est clairement organisé par l'État, dans le sens que à partir du moment où il y a des entreprises qui officiellement disent clairement qu'ils ne peuvent pas embaucher d'autres personnes que des étrangers parce qu'il leur faut des travailleurs qui ne fassent pas gaffe à leurs droits, qui coûtent pas cher et qui peuvent travailler dans des conditions complètement exécrable, et que le gouvernement va dans un sens légitimiser en fait cette situation en leur accordant des aides, plus de laxisme au niveau des droits des travailleurs et des travailleuses. Là, j'ai nommé la restauration, l'agriculture et le bâtiment, où on a eu pendant pas mal de temps ces fameux patrons qui pleuraient dans leur restaurant parce que tu comprends, les gens veulent plus travailler, ils demandent un trop gros salaire alors que ça leur rapporte pas assez, enfin voilà, blablabla. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une forme d'organisation de la précarité et par l'État, de la part de l'État. Oui, parce qu'il y a une forme de mensonge quand ils se mettent à pleurer. Enfin, ils ont peur de pas pouvoir faire le plein de leur 4x4 ou de remplir leur piscine, mais surtout, ça les arrange. En vrai, ça les arrange complètement de pouvoir avoir des gens que tu peux faire travailler à des horaires pas possibles, qui a pas encore peur de dire la moindre chose parce qu'il a peur de se faire évacuer ou d'être de plus avoir de boulot, et puis qui souvent, bah, t'es payé à la main, t'es pas déclaré, t'as pas de sécurité sociale, t'as rien. Enfin, je veux dire, là, c'est de l'exploitation de la misère la plus crasse, en fait. Oui, alors que bon, on peut revenir à la base. Hein. Si t'as pas les moyens d'employer quelqu'un dans les conditions humaines respectueuses et dans le respect des droits de la personne que t'emploies, bah, tu mets la clé sous la porte et voilà, t'arrêtes Oui, c'est ça. Il faut arrêter de vouloir péter plus haut que son cul. Hein. Et voilà. Et ça, c'est comme les propriétaires qui veulent acheter des appartements pour les louer puis qui sont pas capables de les entretenir. Après, ben bah, écoute, voilà. Mon gras, tu veux jouer le jeu du capitaliste, t'es pas un capitaliste, arrête. Voilà, clairement. Et du coup, bah, pour en revenir après à la situation actuelle des sans-papiers, alors je sais pas si je l'avais bien exprimé, mais du coup, du fait qu'il y a eu un désert au niveau de l'inspection du travail, il y a un manque de moyens clairs, à tel point qu'il y a eu des zones entières qui ne bénéficiaient d'aucun inspecteur. Il y a beaucoup, alors là, faut faire gaffe à ce que je dis, mais il y a beaucoup de boîtes qui profitent. Voilà, pour ne pas dire qu'ils ont mis en place une arnaque, mais qui profitent de la situation pour justement employer des gens, bah les sous-payer, les employer surtout de manière illégale, donc non déclarée. Voilà, il y a même maintenant... Alors pourquoi je dis Enfin, je sous-entends que c'est une arnaque qui est devenue systémique, parce que maintenant, même des grandes entreprises qui sont présentes dans la Loire, qui sont reconnues à une échelle nationale, vont mettre en place ce genre d'arnaque. La dernière dont j'ai eu affaire personnellement, c'était une personne qui avait travaillé pendant un certain nombre de temps dans une boîte d'intérim. Et je dirais pas que c'était adéquat, mais enfin... dans l'agriculture particulièrement, en fait, ils l'ont employé pendant 3-4 mois avec des faux papiers, alors qu'ils savent très très bien reconnaître les faux papiers, parce que maintenant, même les préfectures ou l'URSSAF ou les trucs où, enfin, qui gèrent leur administration savent reconnaître les faux papiers. Donc, à un moment donné, ils font exprès de fermer les yeux sur le fait que ce soit des faux papiers. Ils le font charbonner pendant 3-4 mois. Et après, là, ils se rendent compte. Alors, je crois que c'est 3 mois, par contre. Ah, tout à l'heure, je n'avais pas vu. Voilà. Mince, en fait, je peux pas t'employer, bah donc oui, je dois te licencier. Parce que t'as pas tes papiers. C'est ça, donc là, t'es en situation. Sans être payé. Ah bah que... non. Ah bah non, surtout pas. Bah non, parce que on peut pas. Bah non, c'est pas légal, sinon. Parce que tu comprends, il faut qu'on te paye sur un compte qui est détenu par toi et pas par une personne tierce. Sauf que comme t'as pas de papier, bah tu peux pas ouvrir de compte en banque, donc t'es obligé de passer par un compte tierce. Donc et nous, on peut pas. Voilà, alors il y a une petite astuce au final qui peut faire bouger les choses. Il y a un truc qu'ont oublié les boîtes, c'est qu'à la demande d'un salarié, on peut être demandé à être payé en liquide jusqu'à hauteur de 1000 euros. Après, c'est eux de se démerder. Alors ils vont très sûrement dire « bah oui, mais nous on paye plus en liquide depuis un certain temps ». Et là, il y a une phrase magique qui est « alors vous êtes une entreprise française qui n'est pas adaptée à la législation française ». Quelle histoire ! Et là, ça fait un peu plus bouger les choses. Mmh. Parce que c'est bien aussi qu'il puisse y rester des employeurs qui ferment les yeux sur le fait qu'ils embauchent des travailleurs et travailleuses. Sinon, il n'y aurait pas de travail pour... Mais par contre, il faut être payé derrière, quoi. C'est ça. Après, il faut être réglo. Moi, je comprends, en fait, le travail non déclaré. Moi-même, j'ai pu, dans ma vie, travailler de manière non déclarée. Mais il y a quand même une règle qui existe dans le travail non déclaré, alors surtout dans le bâtiment. C'est au niveau du salaire, normalement t'es censé toucher plus que si t'étais déclaré. Dans le sens, le deal, moi en tout cas l'interaction que j'ai eue avec mes patrons et comment ma famille qui est issue du bâtiment m'ont parlé pour être assez dans la chose, m'ont clairement dit, voilà, c'est si t'es payé normalement 8 euros, c'est-à-dire que ton patron il paye 8 euros en plus, donc 16 euros, donc toi t'es en droit de demander 20 euros. Voilà. Parce que t'as la prise de risque, parce que c'est toi qui prends les risques aussi, hein, dans un sens. Si t'es pas déclaré, t'as un accident. Ne faites pas ça chez vous. Faut pas encourager au travail non déclaré. C'est parce que tu te mets dans la merde. Enfin, je veux dire, il t'arrive un accident. En fait, non, moi je crois que c'est la responsabilité de l'employeur, de ce que j'ai entendu dire, et qu'en fait, du coup, ça permet de. Ça permet aussi à des personnes d'avoir des fiches qui prouvent qu'elles sont sur le territoire depuis un certain temps. C'est ça. Et que du coup, y a aussi un côté, même si il y a des entreprises qui en profitent et qui exploitent, celles qui au moins payent les gens et qui leur offrent un cadre de travail, prennent le risque comme ça, ça peut aussi aider. Enfin, c'est plus complexe, quoi. Oui. Après, c'est pour ça que moi, je peux comprendre. Enfin, j'ai eu déjà affaire à des gens qui préfèrent passer par le travail non déclaré, qui ont des arguments qui sont convaincants et qui, pour moi, à mon niveau, tiennent la route. Donc bon, je suis assez ouvert d'esprit là-dessus. Mais là, en l'occurrence, le travail non déclaré des personnes sans papier, c'est clairement synonyme de précarité, voire de servitude. Où il y a même des situations où le patron va profiter de cette irrégularité, je ne sais pas si c'est ça qu'on dit, mais de cette irrégularité pour justement faire du chantage. En mode, si tu fais pas ce que je dis, moi, je te poucave à la préfecture et préfecture, automatisme, hop, au QTF, et hop, fin d'histoire, quoi. C'est là où on crée, dans un sens, l'État aussi, via cette forme de régularisation et cette non-régularisation, plutôt, parce que là, c'est le problème dans la Loire, permet ce fameux chantage. C'est possible d'embaucher de manière déclarée des travailleurs et travailleuses sans papier ? Bien sûr. Normalement, on peut. Il n'y a pas tellement de soucis, il y a beaucoup de... Enfin, il y a des préfectures où ça ne pose pas tant de problèmes que ça, où la personne est accompagnée d'un patron ou a une lettre, une promesse d'embauche, l'amène à la préfecture et en une semaine, c'est réglé. Donc on pourrait plus encourager à faire ce genre de démarche si on est des employeurs, Des travailleurs, des patrons respectueux de la loi et même de la condition humaine dans un sens, parce que solidaire, je crois qu'il y a des réseaux comme ça parfois à des endroits. Le problème étant aussi, c'est que pour avoir une régularisation ou une autorisation de travail notamment, il faut justifier justement d'avoir un emploi, d'avoir un employeur au préalable. Donc des fois même de vouloir déclarer son travailleur et de faire la demande de régularisation débloque la situation, en tout cas de fou malade. Après, c'est malheureusement pas le cas dans la Loire. Alors on sait pas exactement pourquoi, on peut à ce jour spéculer, mais clairement il y a un moment donné ou un autre dans la Loire, même si t'es un employeur et que t'emploies et que tu veux rester dans les clous, dans le cadre de la loi, etc., déclarer la personne étrangère que tu veux employer, même là ça coince en fait. Même là, à un moment donné, il y a des retards qui occasionnent des licenciements, qui occasionnent de la précarité, ou même des fois ils acceptent tout simplement pas, ou ils font patiner le dossier, quoi. C'est... D'où le fait que des organisations de soutien comme la vôtre, ça peut permettre d'aider et de soutenir dans ces démarches. Alors voilà, justement, là on en vient à nous, notre action. Alors notre action, là pour le moment c'est encore assez nouveau, l'ORGA, dans le sens que c'est la question et les droits, surtout concernant les sans-papiers et les travailleurs étrangers, est assez particulière et nécessite un minimum de formation. Donc là, on est en train à la fois de se former sur le terrain, à la fois de se former par rapport aux expériences des anciens qui ont été engagés sur cette question-là, il y a force d'échanger, etc. Mais là, on est en train de se former. Bien entendu, sur la question des droits du travail, par contre, là, on est beaucoup plus à l'aise. Parce que là, c'est le code du travail, etc. Où on va aussi potentiellement avoir de la portée en fonction du dossier. Mais malheureusement, la réalité, elle est que aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut partir du principe qu'on est aujourd'hui dans un pays qui remet en doute le droit à la santé des personnes étrangères. Donc imaginez sur les conditions de travail, c'est assez... malheureusement, on n'est pas dans un pays de gauche à proprement dit, et encore, si ça suffirait, ça suffirait même pas, en vrai. De gauche sociale. Ouais. Ça serait encore autre chose, mais on en est encore plus loin. Et là, le problème, c'est que nous, du coup, on va proposer un espace déjà où les gens vont pouvoir venir échanger et s'organiser et en même temps défendre leur dossier, constituer leur dossier avec nous, défendre leur dossier avec nous. Bien entendu, qu'ils se forment aussi, parce que pour le coup, c'est faut que ça soit réciproque. Pousser vers l'autonomie et c'est ça. Que ça puisse être aussi peut-être des personnes qui vont pouvoir conseiller autour d'elles. Et... C'est ça. Essayer de faire de boule de neige. C'est un peu le travail du syndicat, c'est-à-dire que quand on rentre dans un syndicat, souvent on voit des gens débarquer parce qu'ils ont un problème particulier, etc. Mais après, en fait, on apprend à régler ce problème, mais en fait, on apprend ensemble, en fait, en général. Hein, on n'est pas des experts. Nous, on n'est pas un syndicat de service, après. On n'est pas la CGT. Nous, on est un syndicat de lutte. C'est-à-dire que notre raison d'être, c'est de foutre le sbeul pour mettre à bas le capitalisme. Donc, renverser les rapports de force en renverser les gens. Renverser les rapports de force. Alors, on va défendre des cas particuliers qui viennent nous voir en permanence juridique, on va leur donner des tips, les aider à écrire des courriers quand il y a besoin, etc. Mais c'est pas notre vocation. Hein. Après, une fois que quelqu'un a compris le fonctionnement, nous, ça nous fait plaisir quand ils rejoignent le syndicat et puis qu'ils mettent ce qu'ils ont appris au service des autres aussi après, et ainsi de suite, et qu'on fasse boule de neige comme ça. C'est ça le but d'un syndicat aussi, hein. C'est pas d'avoir un délégué syndical qui va négocier l'augmentation de salaire une fois par an. Il y a tout un autre travail à c'est bien, à on mener. Est sur la même définition. Et du coup, quelles sont les infos pratiques peut-être à passer, contact, régularité, etc., pour pouvoir... permettre aux gens de vous contacter ? Je me souviens jamais du numéro de téléphone. Oui, alors moi, normalement, je l'ai. Alors, est-ce qu'on peut passer de la musique en attendant ? Oui, on pourrait faire ça. En attendant, on peut dire que, je ne sais pas si on peut parler de notre actualité, mais le 30 octobre, il y aura une grosse mobilisation de prévue. Là, c'est un appel national du CNTPEP, c'est-à-dire Comité National des Travailleurs Heureuses Privées d'Emploi et Précaires, en gros les chômeureuses. Hein. Donc on fait un rassemblement Place Jean Jaurès le 30 octobre. Parce que pourquoi à quelle heure? L'après-midi, le matin, okay. On n'a pas encore dit. Toute la journée. Ok. Toute la journée, on va foutre le sbeu. Bon, on se tient informé alors pour vous rejoindre. Oui. Ouais. Après le. Oui, et un téléphone, on a une permanence, tout ça, machin. Oui, sur les réseaux sociaux, la permanence, je me trompe pas, parce que ça a changé dernièrement, c'est tous les deuxièmes mardis du mois à la CGT, enfin au local du CTPEP, à la Bourse du Travail, de 17h30, non, 16h30 si je me souviens bien. Jusqu'à 18h, 18h30, 19h. Voilà. Okay. Alors, à savoir, c'est qu'ils peuvent aussi passer aux permanences régulières du CTPEP le jeudi, à la Bourse du Travail, tous les jeudis à la Bourse du Travail, de 16h30 à 18h. Non, 16h à 19h. Ouais, 16h, pardon. Wow. On dit 16h, 19h, ça fait une grosse fourchette, bien, ouais. Alors des fois, mais soyez pas inquiets si on est en retard. Okay. Voilà. On fait ce qu'on peut. Okay. Voilà, pour les infos pratiques. Après, pour rebondir sur ce que tu disais. Alors... Un numéro de téléphone? Oui, alors attends. On va y arriver. Je sais même pour pas. Pour celles et ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, par exemple. Ouais, il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut laisser un message, vous rappeler, il y a un répondeur, j'imagine, quelque chose comme ça. Sur le numéro du téléphone. Mais j'ai pas la connexion, là. J'ai été enlevé à cause du micro. Donc on est super bien organisé, comme vous voulez. On est précaire aussi par l'organisation. Bon, de toute façon, on s'approche de la fin de l'émission, du coup on peut faire une petite pause musicale, parce qu'on a vraiment passé aucun morceau de musique jusque-là. Et puis, vous pourrez annoncer le numéro de téléphone et on pourra faire un tout petit point agenda avant de se quitter. Est-ce que ce serait possible de lancer la musique conseillée par notre camarade à la régie? Je l'ai le numéro. Alors, le numéro du mobile, c'est 06 45 40 35 72. 06, je redis, 06 45 40 35 72. Parfait, on a toutes les infos, du coup. Et voilà. On peut faire la pause musicale ou pas, du coup, j'ai pas bien compris. Alors, moi, j'avais une autre proposition, c'était de passer Viva Villa de Serge Gainsbourg. Est-ce que ça vous dit? Je connais pas, mais... Vous connaissez pas, non plus, mais... Eh ben, on repart un peu dans les révolutions zapatistes, en fait. C'est parti. Ouais. Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt s'en vont à Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'avance cet arsenal qui a pour nom Pancho Villa. Tout à l'heure au pied du calvaire, il dira une courte prière, puis il reprendra ses jurons et son chemin et sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva Villa. Quatre fusils, 10 pistolets, 15 couteaux à cran d'arrêt viennent de Guadalajara. C'est pour un fameux carnaval que s'en vient tout cet arsenal. On recherche Pancho Villa. S'ils vont du côté du calvaire, ils trouveront le révolutionnaire. Ils lui feront entendre raison. Ou bien avaler sa chanson. Viva Villa, Viva Villa, Viva villa. Deux fusils, quatre pistolets et un couteau à cran d'arrêt allaient à Guadalajara. Ce fut un fameux carnaval quand on fit sauter l'arsenal qui s'appelait Pancho Villa. Il est là au pied du calvaire, il vient de mordre la poussière. Les vautours ne lui laisseront que les os et les éperons. Viva Villa, viva Villa, viva Villa. Et on va terminer l'émission du coup de la CNT sur Radio Duo avec rapidement un petit agenda. Donc on rappelle ce samedi le concert le soir à la Gueule Noire en soutien à School of Chiapas. Et le midi, vous pouvez déjà venir à la Gueule Noire pour le petit resto vegan qui sera en soutien à une personne précaire migrante. Justement, on reste dans le sujet. Et on prévoit un chili vegan et des gâteaux. Donc venez, c'est à prix libre. C'est le chili sin carne, ça s'appelle. Ouais, chili sin carne, exactement. Et après, dans les dates, on a reçu une invitation de la Libre Pensée pour venir à une conférence qui a l'air bien intéressante le samedi 19 octobre. Ce sera à 10h à la Maison des Associations de Solor. Et c'est une conférence de Noël Monin, maître de conférence en sciences de l'éducation, sur le livre « Laïcité, discrimination, racisme, les professionnels de l'éducation à l'épreuve ». Et ça a l'air bien intéressant. Voilà, et puis bah du coup vous rappelez les contacts, il resterait ça pour joindre la CNT, c'est par mail cnt42@cnt-6f.org. C'est possible d'appeler, on a aussi un répondeur 04 77 25 78 04. Et c'est possible de passer, bah, par exemple, pour acheter du café Zapatiste ou pour parler d'une situation au travail à notre permanence, c'est les vendredis à 17h à la Bourse du Travail au local CNT. Et par ailleurs, bah, y a aussi la possibilité, sur des questions plus spécifiques liées aux violences patriarcales, sexistes et sexuelles, dans le travail, la vie personnelle, militante, privée, de contacter le comité Femmes Libres Mouriras Libres 42. Et du coup, il y a aussi un mail, cnt-6fl.ml.42@cnt-6f.org, ou bien un numéro de téléphone 06 21 70 60 67. Et bah merci aux invités du CTPEP et de School of Chiapas d'être venus en parler. Merci à la CNT de nous avoir. Merci pour l'invitation. Et merci. Ouais, merci. À la prochaine. Allez. Au 30 octobre. Oui. Vive l'auto-organisation d'en bas. Et ben au mois prochain. Bonne soirée, suite de soirée à vous. Et ben bonne lutte. Prenez soin de vous. Maybe I'm alone, but I know there's no one. go ahead and I think about it. There's still a hole somebody needs to fill.